attends. Moi je t'aime encore avec tant d'aisance que tous les pays que je t'ai prédit pourraient bien te surprendre. Que tu me maudis, que ton teint jauni irrite ta prestance. Moi je t'aime encore avec tant d'aisance que tous les pays que j'avais promis lui s'acclament d'avance. Que tu me maudis, que tout en jaunis irrite ta présence.